l'abri des fenêtres et des parapets de pierre, je regarde vivre les gens d'en bas. Chaque jour j'envie leur vie, moi qui vis solitaire, mais leur histoire je ne la connais pas. J'apprends leurs chansons, leurs rires, leurs visages. Moi je les vois mais je ne me vois pas. Je voudrais tour à tour rencontrer ces personnages, rien qu'un seul jour, au pied des tours. Tout en bas, vivre au grand soleil, sans regarder le ciel une seule fois. Partager leur joie, je crois qu'ils n'entendent pas la voix de mon cœur qui se meurt quand je vois les gens d'en bas. En bas, j'entends les tisserands, les meuniers et leurs femmes. Leur bonheur insouciant me brûle et m'enflamme. Leurs cris qui résonnent jusqu'au cœur de Notre-Dame font saigner les larmes au cœur de mon âme. Si j'avais cette vie, je vivrais à la folie. En bas, sur les bords de Seine, je goûterais la joie des gens qui se promènent. C'est pour un jour, un seul jour, je quittais ma tour. Ce serait merveilleux d'être heureux à mon tour, faire un tour alentour de ma tour, rien qu'un jour.